19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Le magazine d'archéologie de France Culture s'engage dans un chemin peu fréquenté, longtemps délaissé par les sciences de l'homme et de la société, et où seuls quelques chercheurs tentent de s'aventurer. Mon invité fait partie de ceux-ci, et ce qu'il nous propose aujourd'hui, c'est tout simplement d'extraire de la nuit des temps nos récits fondateurs. Tout se fouille, d'ailleurs l'archéologue fouille tout. Mais pour autant, pourrait-il à l'aide de sa truelle, somme toute désuète, fouiller ces fameux récits, des mythes? Fouiller des mythes, c'est pourtant ce que nous allons faire ce soir, à l'aide des outils les plus sophistiqués de la phylogénie, qui nous permettront, du moins je l'espère, de découvrir leurs lointaines origines, comme leur cheminement au gré du peuplement humain de la planète. Julien Duy, bonsoir. Bonsoir. Chercheur à l'Institut des mondes africains, l'UMR 8171 du CNRS, vous avez soutenu, voici juste 2 ans, votre doctorat intitulé « Nouvelles perspectives sur l'histoire de l'Afrique, mythologie, art rupestre et génétique ». Aujourd'hui, c'est une somme magistrale autour de la préhistoire des mythes que vous publiez aux éditions La Découverte sous le titre « Cosmogonie ». Venons-en au fait. L'archéologue aime savoir ce qu'il cherche, car il ne trouve que ce qu'il connaît. Dans ce cas, qu'est-ce qu'un mythe ? Alors, un mythe, étymologiquement, c'est un récit. C'est pas n'importe quel récit, c'est un récit qui raconte les débuts du monde, qui explique comment le monde est devenu ce qu'il est devenu, qui explique pourquoi les animaux ressemblent à ce qu'ils ressemblent, pourquoi les humains sont sur Terre, pourquoi la mort est apparue. Donc c'est une sorte de récit des origines, quelque... C'est ça, c'est exactement ça, c'est une sorte de grand récit des origines, chaque mythe expliquant une particularité de la Terre telle qu'elle est aujourd'hui. Le pourquoi des choses. Le pourquoi des choses. C'est aussi un récit qui dit toujours la vérité sur le monde, du moins pour le peuple qui possède ce récit. Alors, c'est un récit auquel on adhère ou on n'adhère pas complètement. On peut jouer à faire semblant de croire au mythe, un peu comme pour les grandes religions aujourd'hui. Il y a les croyants qui adhèrent complètement au mythe de création tel qu'il est raconté, par exemple, dans l'Ancien Testament, et d'autres qui ont une certaine distance et qui jouent à y croire. Et l'adhésion au mythe, voilà un beau sujet, au mythe au singulier, voilà un beau sujet qui va vous intéresser. Alors, l'adhésion au mythe est quelque chose de passionnant, quelque chose qui est très délicat à manier. Et il est temps de sortir d'ailleurs des grandes caricatures qu'on a pu avoir jusqu'à présent où on conçoit le mythe sur le mode de l'adhésion ou de la non-adhésion en pensant de manière plus graduelle entre la non-adhésion et l'adhésion à un récit donné. Julien Duy, le mythologue que vous êtes, étudie donc ces récits dans une perspective anthropologique afin de mieux comprendre l'humanité, mais désormais ces outils sont exceptionnellement complexes et surtout très puissants. Oui. En fait, aujourd'hui, on a des bases de données qui sont immenses sur les mythes. On n'étudie plus un mythe seul, ça n'a aucun sens, mais on étudie les mythes avec d'autres qui lui ressemblent. Et pour étudier l'ensemble de ces mythes, on utilise des outils statistiques dont certains relèvent de la phylogénétique des mythes. Alors la phylogénétique des mythes, tout le monde connaît les grands arbres du vivant où l'homme est proche du singe, plus éloigné au niveau des embranchements du poisson et encore plus éloigné de la bactérie par exemple. Les espèces sont rapprochées par degrés de proximité. C'est ce que fait la phylogénétique des mythes, sauf qu'au lieu d'étudier des espèces, on étudie différentes versions d'un même mythe. Et on calcule le degré de proximité pour construire de grands arbres des mythes. Ce que vous me dites, c'est que la biologie, les modèles génétiques liés à la biologie, marchent pour les sciences de l'homme et de la société ? C'est plus compliqué que ça. On ne peut pas prendre l'intégralité du modèle biologique et l'appliquer à la mythologie. Il ne s'agit pas de considérer les mythes comme des êtres vivants. Ce serait ridicule. Par contre, il y a un certain nombre de points communs. On sait par exemple que deux versions d'un mythe qui se ressemblent ont de fortes chances, énormément, ont de fortes chances d'avoir un ancêtre commun récent. Et bien plus récent, par exemple, que deux versions d'un mythe qui se ressemblent beaucoup moins. Donc, ce que je fais, ce que d'autres ont fait aussi, c'est prendre les versions, plusieurs versions d'un même mythe, et les découper en petits morceaux, ce qu'on appelle les mitèmes, des phrases très très simples, hein, élémentaires, avec une seule information. Du style ? Il y a un héros, deux héros, trois héros. Le héros est un homme, une femme. Et coder de manière binaire, c'est-à-dire que si l'élément ne se retrouve pas dans la version du mythe, par exemple, on va raconter l'histoire, j'invente, hein, d'un homme qui tue un dragon, hein, on va prendre vraiment le noyau minimal, on aura un homme, un héros, deux héros, trois héros. Pour un héros, on mettra un. Deux héros, on mettra un zéro. Trois héros, on mettra un zéro. Un homme, une femme. Pour un homme, on mettra un. Pour une femme, on mettra zéro. Tu, on mettra un. Embrasse, par exemple, hein, on mettra un zéro. Un dragon, on mettra un. Une gorgone, on mettra zéro. Et on va obtenir pour chaque version des chaînes binaires, avec des zéros, des uns. Bon, quand on ne sait pas, ça arrive, on met un point d'interrogation. C'est fantastique, on peut le prendre en compte. Et on calcule le degré de proximité entre ces différentes chaînes binaires. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'un trait, on ne se contente pas d'une vingtaine de traits, on découpe nos mythes en des centaines de petits traits différents. On essaie d'avoir le maximum de traits, histoire d'éviter le mot maximum, les biais, et on obtient un arbre des mythes. Ensuite, tous vos résultats sont totalement contrôlés par d'autres méthodes ? Alors, les résultats obtenus, parce que oui, effectivement, il y a des résultats, on pourrait dire, oui, bon, il est bien gentil. On a toujours des résultats. Ouais, c'est ça. On dit bien gentil, Julien Duy, il applique des algorithmes pour faire des arbres sur des données, et oh, il a des arbres. Non, c'est pas si simple que ça. Alors, il y a la première chose, c'est qu'on peut vérifier la solidité des arbres, voir si les arbres sont bien liés à une hiérarchie, à des points communs, etc., que c'est pas dû au hasard. Ça, c'est un contrôle interne. On voit si l'arbre est solide ou pas, s'il est bien enraciné ou pas, la structure est suffisamment solide ou pas. Deuxième chose, on peut comparer les résultats des arbres. On peut reconstruire, par exemple, des proto-mythes, des mythes originaires. Mais ces résultats-là, on peut les comparer avec ceux obtenus avec d'autres arbres et obtenus à partir de bases complètement différentes. Et il s'avère que les résultats se rejoignent. Ils ne sont pas contradictoires, et au contraire, ils sont cohérents, ils se rapprochent tous, et on peut démontrer une même chose en s'appuyant sur des corpus différents. Et enfin, au niveau des résultats, il y a d'autres méthodes en mythologie comparée. Par exemple, le fait d'étudier la diffusion de mythes à travers la planète. Et on peut en tirer des leçons, et ces leçons corroborent ou sont corroborées par l'approche phylogénétique. Il y a un principe de consilience. Il y a plein de preuves qui viennent de niveaux différents, de disciplines différentes et qui se rejoignent. Et on peut difficilement dire que les mêmes biais se retrouvent dans toutes les méthodes, sachant qu'elles sont radicalement différentes. Alors tout ça est bien sûr ensuite confronté aux données de l'archéologie, permettant aussi d'éclairer l'ensemble sous un nouveau jour. Oui, effectivement, c'est d'ailleurs une des grandes utilités de la phylogénétique des mythes, et c'est d'ailleurs pour ça que je m'y suis lancé au début, c'est que les vestiges, la parole ne se fossilise pas. Les vestiges archéologiques, on peut interpréter de plein de manières différentes les mêmes vestiges archéologiques. Pendant longtemps, il y a eu des abus assez frappants, hein, du type « on va chercher en Australie une solution pour expliquer l'art rupestre en Europe » ou alors « ah tiens, cette image me rappelle vaguement une autre image que j'ai vue en Amérique du Sud ». Ah mais bien sûr, c'est évident, c'est exactement la même chose. Non. Le comparatisme ethnographique. C'est ça, un comparatisme mais sauvage, qui va dans tous les sens et qui pioche, dénoncé en son temps par le roi Gourand, et qui va piocher absolument partout les éléments. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir estimer la probabilité que telle ou telle chose ait existé à une époque donnée. Et grâce à la phylogénétique des mythes, effectivement, on peut remonter dans le temps et on peut reconstruire statistiquement les croyances de l'époque. Alors, vos mythes, vous les avez aussi confrontés à la génétique. Et là, je vais prendre un exemple, à la génétique, c'est-à-dire l'ADN. Et voici, par exemple, un beau sujet avec l'haplogroupe A, qui aurait un lien, justement, avec un mythe particulier, le fameux mythe du corbeau. Alors, le mythe du corbeau, c'est pas juste un mythe en particulier, c'est plein de motifs différents où le corbeau joue un rôle de créateur. Effectivement, alors c'est deux Russes, hein, Korotayev et Kalturina, qui ont étudié ça et qui ont montré qu'il y avait une corrélation entre la diffusion de cet ensemble de mythes et la diffusion d'un certain haplogroupe, l'haplogroupe A. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que corrélation ne veut pas dire causation. C'est-à-dire que c'est pas une superposition complète, que ça n'explique qu'une partie de la diffusion du mythe, et qu'un mythe, bien sûr, ne reste pas sagement auprès d'un peuple juste en raison de son ADN. Un mythe se diffuse en dehors du peuple, mais ne va pas forcément très très loin. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une corrélation entre les mythes, la diffusion de certains mythes, la diffusion de certains gènes, qu'on retrouve avec la phylogénétique des mythes. Et à partir de là, on peut en déduire des choses sur l'histoire du peuplement humain. Un dernier mot sur cette méthodologie qui est quand même très particulière. Dans la forêt des mythes, vous créez donc des arbres. Un exemple, 20 millions d'arbres bayésiens pour un seul mythe, celui de Polyphème. Ah, le mythe de Polyphème qui a été étudié 3 fois de suite sur 3 corpus différents avec un codage nouveau à chaque fois et qui a donné des résultats très similaires à chaque fois, donc que j'aime bien. Et un de mes premiers en plus, je m'y attache d'autant plus. Oui, effectivement, en fait, un arbre ne se fait pas automatiquement. Il y a plusieurs paramétrages, il y a plusieurs méthodes. Là, on parlait de calcul bayésien. Le calcul bayésien consiste à créer de très nombreux arbres qui se comptent en millions, pour le coup, et essayer de trouver quels sont les arbres les plus probables, puis faire une synthèse entre tous les arbres les plus probables. Alors, dans le cas de Polyphème, ça revient, après avoir codé, lancer l'ordinateur avec certains paramétrages qui se justifient d'un point de vue ethnologique et anthropologique, et laisser tourner. Alors, l'ordinateur tourne comme ça, un jour, 2 jours, 3 jours, c'est loin d'être immédiat, et à la fin propose une solution. Sachant que cet arbre-là, on parlait du calcul bayésien, doit être conforté par d'autres arbres créés en utilisant d'autres méthodes avec d'autres biais. Julien Duille, nous parlions d'arbres et de forêts, de mythes. Marcel Mauss écrivait il y a à peu près un siècle « On ne peut qu'être frappé par le peu de variété des épisodes et des combinaisons des mythes. Il y a des types de mythes et dans la multitude des exemplaires de chaque type, les parties se représentent dans un ordre à peu près constant. » Qu'en pensez-vous ? Alors, c'est tout à fait exact. En fait, il y a des classifications qui ont eu lieu, des spécialistes qui ont travaillé dessus, il y a des grands types de récits. Alors, pour expliquer ces grands types de récits, alors, par exemple, on parlait de Polyphème tout à l'heure, Polyphème, on le retrouve en Eurasie, il y a le fameux mythe de l'Odyssée, avec le personnage d'Ulysse, la ruse de Perséide, on le retrouve aussi en Gascogne, on le retrouve dans les Pays Basques, on le retrouve un peu partout en Eurasie, et on le retrouve aussi en Amérique du Nord. Toujours la même structure, quelqu'un qui rentre dans la demeure d'un maître des animaux, qui ne peut en sortir et qui doit se dissimuler soit sous une peau, soit sous un animal, et plein de petits détails qui se rejoignent. Le constat n'est pas nouveau, il n'est pas neuf. Ce rapprochement entre les versions amérindiennes et les versions européennes de Polyphème a été fait d'un point de vue structuraliste, d'un point de vue aréologique, etc. Après, reste à l'expliquer. On se rend compte que ce mythe n'est pas diffusé partout dans le monde. On le retrouve essentiellement dans l'hémisphère nord. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler d'archétype. Ça ne peut pas être une idée « Ah, c'est évident, bien sûr !» et on va inventer cette histoire et on va l'inventer indépendamment dans plein de coins du monde. Non. On le retrouve dans le nord de l'Eurasie. On le retrouve dans le nord de l'Amérique. Les Amérindiens d'Amérique du Sud ne sont pas plus bêtes. Les Australiens ne sont pas plus bêtes. Ni les peuples d'Eurasie du Sud. Donc, on peut écarter l'hypothèse d'un archétype, quelque chose qui serait tellement évident ou tellement ancré dans la psyché que ça ressortirait. Par contre, on peut évoquer des faits de diffusion. La phylogénétique des mythes montre que toutes les versions sont reliées de manière très très forte d'un point de vue statistique. Ça veut dire qu'il y a très peu de chances que les mythes soient apparus de manière indépendante. Et en plus, les mythes ont tendance à se diffuser en suivant un gradient qui va d'Asie du Sud-Ouest vers les Amériques. Donc ce qu'on voit, c'est que le mythe s'est diffusé. Il s'est diffusé jusqu'en Amérique. Et qu'est-ce que peut nous apprendre cette diffusion en Amérique ? Eh bien, l'appeuplement de l'Amérique, finalement, a eu lieu, pour l'essentiel, avant la fin du Pléistocène. Si on retrouve un mythe largement... Il y a 12 000 ans. Il y a 12 000 ans. Après, l'histoire de l'archéologie en Amérique, mais vous en avez parlé dans une autre émission, est quelque chose de complexe. De polémique, oui. Toujours est-il que le fait de trouver ça à la fois en Eurasie et en Amérique du Nord... Sachant que c'est largement diffusé en Amérique du Nord, qu'il y a une proximité, qu'il y a un gradient géographique qui part d'Asie du Sud-Ouest pour aller en Amérique, tout ça va dans le sens d'un phénomène de diffusion qui remonterait au Paléolithique. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Julien Duy, ce que vous montrez donc, c'est que les versions d'un mythe s'organisent selon une sorte de gradient géographique ? Oui, c'est exactement ça. En fait, c'est un des apports de la phylogénétique des mythes et de l'approche statistique. On se rend compte que les mythes ne varient pas de manière aléatoire à travers le monde. Lorsqu'on les prend, et c'est la même chose pour les traditions mythologiques, lorsqu'on les prend, elles varient en fonction d'un point d'origine. La distance géographique a une forte importance. Et quelque chose qui est très impressionnant, par exemple, c'est que lorsqu'on prend des traditions mythologiques de leur entier, ces traditions varient en fonction de la distance depuis l'Afrique. Ça veut dire que lorsqu'on prend un corpus de traditions à travers le monde, on se rend compte que plus on s'éloigne d'Afrique, plus elles divergent. Ce qui veut dire qu'une grande partie, c'est un signe statistique, qu'une grande partie de la mythologie mondiale s'origine en Afrique. Alors moi, ce qui m'a surpris, c'est que l'évolution des mythes est très lente, parfois même plus lente que l'évolution des langues. Oui, c'est assez extraordinaire. Généralement, on considère que une langue, on peut remonter jusqu'à 8000, 10000 ans, et qu'on ne peut guère aller au-delà parce que les points de rattache disparaissent. Par exemple, on retrouve des motifs mythologiques complexes en Afrique et en Australie, ainsi qu'en Asie du Sud et en Asie du Sud-Est. Il s'agit de récits trop complexes pour avoir été inventés indépendamment, mais qui restent connectés. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'Australie a été peuplée il y a 65 000 ans maintenant, ouais. Bah oui. Et que l'île ensuite est restée isolée. Ça veut dire que si on retrouve des récits complexes à la fois en Australie, en Asie du Sud-Est et en Afrique, ça correspond à la première migration de l'humanité à travers le monde. Et ça veut dire que les récits ont tenu sans bouger pendant 65 000 ans, sans quasiment bouger. Justement, au-delà de sa diffusion, peut-on remonter à nouveau son récit originel, ce que vous appelez le proto-mythe ? Alors, oui et non. Oui et non. C'est ça. Ce qu'il faut bien avoir conscience, que là, on est en train, je parle en termes statistiques, c'est-à-dire que je parle en termes de probabilité. Ça dépend de la taille du corpus, ça dépend de multiples tests. Ce que l'on peut faire, c'est évaluer la probabilité qu'un trait ait existé à un moment donné de l'histoire de l'humanité, que ce soit par exemple dans l'Europe paléolithique ou avant la sortie d'Afrique. Je pourrais dire que tel trait a, on va dire, 80% de probabilité d'avoir existé. Tel autre, seulement 51%. Et il faut penser en termes statistiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de certitude. Sauf que lorsqu'on interprète par exemple des vestiges archéologiques, il vaut mieux s'appuyer pour expliquer ces vestiges sur un trait qui a 80% de chances d'avoir existé à ce moment-là que sur un trait qui a, on va dire, 20% de chances d'avoir existé. Ce mythe de Polyphème aurait inscrit en lui le passage à l'économie de production. Nous serions alors devant une sorte de monstre sauvage, Polyphème, face à un agro-pasteur intelligent, Ulysse ? Très bien. C'est une très bonne question, surtout que ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Les mythes n'ont presque pas bougé. En fait, là, pour qu'un mythe se maintienne, il faut qu'il s'adapte. À l'époque paléolithique, le mythe de Polyphème, tel qu'on retrouve les versions en Amérique du Nord, tel qu'on en retrouve dans certaines versions d'Eurasie, donc la première couche, la première strate, on était face à un maître des animaux sauvages. Sauf qu'à un moment, on va changer d'économie et l'agriculture va se diffuser. Et pour que le mythe survive, finalement, il n'aurait plus son utilité. Si on parle d'un maître des animaux sauvages en pleine période agricole, ça n'a plus vraiment son utilité. Donc le maître des animaux sauvages va devenir un maître des animaux domestiques. Et on va avoir une nouvelle pulsion des mythes liés à Polyphème, pulsion à laquelle appartient par exemple le fameux récit d'Homère, et cette pulsion qui, à partir du bassin méditerranéen, va recouvrir les anciennes versions du mythe de Polyphème. Julien Duy, au commencement était l'eau. Le fils du premier homme plongea vêtu d'une peau d'oie et réussit à prélever 3 poignées de terre. Vous nous racontez la suite ? Oui, c'est un récit qui appartient au motif du plongeon cosmogonique, hein, qui est raconté en Sibérie de l'Ouest. Donc on a le premier homme, hein, qui demande un jour au Seigneur du Ciel de faire sortir un peu de terre pour permettre à ses enfants de construire une maison. Donc Dieu accepte l'idée, pas de problème. Et un jour, le couple primordial donne naissance à son premier enfant qui s'appelle Elampi. Elampi grandit, hein, c'est un enfant, c'est dans l'ordre des choses. Et une fois devenu grand, Dieu va donner à Elampi une peau de canard et une peau d'oie. Et va lui demander de faire surgir lui-même la terre destinée aux hommes. En gros, débrouille-toi, je t'aide un peu, mais je t'aide. Alors Elampi, bon, il est sage, hein, il met tout de suite la peau de canard. Il plonge sous les flots, il a tenté par 3 fois d'atteindre le fond de la mer. Et par 3 fois, il va échouer, il va revenir sans rien. Alors il change de peau, il va mettre la peau d'oie. Et il parvient à prendre au fond de l'eau 3 poignées de terre qui vont devenir les bases, les linéaments du premier continent. Alors le Seigneur du Ciel va ensuite donner à Elampi une chaîne pour permettre de fixer ce nouveau monde. Et à partir de la boue, Elampi va fabriquer tous les animaux à 4 pattes, les oiseaux et la première humanité. La boue, c'est un élément important en général pour les mythes. Alors la boue est un élément qu'on retrouve dans beaucoup de mythes, hein, c'est ce qu'on appelle la choroplastie, le fait de créer à partir, en général les êtres humains généralement, à partir de la boue. Mais là, le motif est tellement vague, tellement large, qu'il est difficile d'en faire une histoire. On ne peut pas exclure l'apparition spontanée due au hasard à travers le monde. Alors le mythe de ce plongeon cosmogonique est-il réellement important ? Est-ce qu'il a une grande répartition à travers le monde ? Ce mythe rejoint un peu la répartition de Polyphème, essentiellement concentrée dans l'hémisphère nord. On va le retrouver en Amérique du Nord, par exemple chez les Algonquins, sous des formes un petit peu différentes, mais toujours avec cette idée qu'un animal, face à une eau primordiale, plonge dans l'eau et ramène, alors après plusieurs essais, parce que c'est souvent plusieurs animaux qui tentent leur chance les uns après les autres, va ramener les premiers éléments de la Terre et ça va permettre de créer les premiers continents. Donc la répartition du motif et le fait qu'il ne soit pas universel suggère très fortement une origine paléolithique. Mais on ne le trouve pas dans l'hémisphère sud. Alors justement, si on ne le trouve pas dans l'hémisphère sud, puisqu'il est quasi cantonné au tropique du Cancer, c'est qu'il y aurait d'autres mythes de création complémentaires et plus méridionaux ? C'est ça. Alors, lorsqu'on observe le mythe du plongeon cosmogonique, on se rend compte qu'il est en répartition contrastive, c'est-à-dire qu'il est en opposé avec un autre grand mythe, ça a été montré par un chercheur russe, Yuri Beeskin, un chercheur français, Jean-Loïc Lekelec. Et ce récit qu'on retrouve essentiellement dans l'hémisphère sud, ce sont les récits d'émergence. Dans les récits d'émergence, c'est des histoires où l'humanité ou les animaux sortent de sous terre, souvent par une grotte. Alors, les récits d'émergence se seraient diffusés en même temps que la première sortie de l'homme d'Afrique, du moins la première sortie qui a laissé des traces suffisante d'un point de vue archéologique et culturel, qui va suivre l'océan Pacifique, qui va atteindre l'Australie et l'Amérique du Sud. Puis on va avoir une deuxième migration qui va couvrir l'Eurasie du Nord et va finir par arriver en Amérique du Nord et qui touche au plongeon cosmogonique. Alors voyons aussi comment les traditions évoluent. Nous le savons, les mythes ne bougent pas et perdurent donc dans le temps. Toutefois, des ruptures ponctuelles peuvent s'opérer dans l'histoire d'un mythe. Le plongeon cosmogonique, par exemple. Quelles sont ces ruptures et peut-on en déterminer les causes ? Alors un mythe a tendance, ça aussi c'est un acquis de la phylogénie des mythes, les mythes ont tendance à évoluer par ponctuation, c'est-à-dire qu'ils restent stables pendant une longue durée, puis suite à certains épisodes particuliers, vont se mettre à évoluer très très vite. Alors il y a plusieurs raisons qui sont possibles à ces ponctuations. La première, c'est lorsqu'on est face à une diffusion de population. Généralement, on a quelques personnes qui partent d'un groupe plus important. Or, on sait que la mémoire culturelle est liée au nombre de personnes qui se déplacent, ce qui fait que on a notre petit groupe de personnes qui s'éloignent et qui mélangent un petit peu les pinceaux sur le mythe. Il y a une nouvelle version qui se stabilise chez eux. D'autres raisons, ça peut être parce que deux peuples voisins ont le même mythe et il s'avère qu'ils s'entendent pas très bien, ces deux peuples. Alors chacun va vouloir modifier un peu le mythe pour avoir le meilleur mythe possible et l'utiliser comme un marqueur d'identité. Il y a aussi des raisons purement pratiques. On parlait tout à l'heure de Polyphème. Polyphème, récit de maître des animaux sauvages. Lorsqu'arrive l'agriculture, le néolithique, on bascule dans une optique plus agricole avec un maître des animaux domestiques. Donc c'est une remise à niveau. Les mythes sont aussi affaires de femmes, premières détentrices du feu. La mythologie d'Ogon relate que les hommes auraient volé le pouvoir des femmes, thème que l'on retrouve en Australie, en Terre de Feu. Vous y voyez une sorte de mythe né en Afrique, notamment, on va dire, en Afrique de l'Est ? Ce récit, on peut le remonter avant la sortie d'Afrique. Comme les récits d'émergence, on retrouve sa diffusion essentiellement dans l'hémisphère sud et en Australie, en Afrique, et il ne se retrouve pas absolument partout. Ce qu'on appelle le mythe de la matriarchie primitive. Et tous ces mythes que j'ai pu dire... Qui n'a pas existé, qui est mythique, on peut le dire au sens négatif du terme. On va y revenir. Il s'agit de statistiques, donc on ne se prononce pas d'un point de vue moral ou pas sur les choses. Enfin, c'est ce que dit Françoise Héritier-Auger et Alain Testard. C'est ça. Donc, toujours est-il qu'on a une diffusion dans l'hémisphère sud et qu'en utilisant les statistiques, on peut voir la diffusion de cette mythologie qui part d'Afrique, qui va en Australie, puis qui va aller en Amérique du Sud et avec une réélaboration de la mythologie dans l'hémisphère nord. Alors, tous ces mythes ont un point commun, c'est que les femmes autrefois avaient le pouvoir et il s'avère qu'elles ont abusé de ce pouvoir et que les hommes leur ont confisqué le pouvoir. Là, il y a quelque chose de très idéologique dedans, faut pas se leurrer. Il s'agit d'une justification du pouvoir des hommes. Et cette justification existait déjà avant la sortie d'Afrique. Alors, ça ne veut pas dire que dans les sociétés n'étaient pas relativement égalitaires, que les femmes ne chassaient pas, que les femmes étaient seulement cantonnées à la cueillette tandis que les hommes chassaient. Non, ça veut dire que les pouvoirs politiques, les pouvoirs sacrés étaient probablement entre les mains des hommes. Ce qui veut dire que actuellement, ce qui se passe est une véritable révolution avec l'égalité et fort heureusement de plus en plus importante entre les hommes et les femmes. Justement, les femmes sont aussi surnaturelles. C'est le cas de la femme oiseau, femme supérieure, dont l'homme volera une fois de plus la peau afin de l'épouser. C'est ça. C'est là aussi, c'est un mythe qui est largement diffusé, qui a été énormément étudié, qui étrangement a été reconnu relativement tard. C'est-à-dire qu'il y a plein de versions du même mythe ou du même conte qui se ressemblaient. On s'est rendu compte assez tard qu'il s'agissait d'un ensemble. Et généralement, ça raconte l'histoire d'un jeune homme, hein, souvent un chasseur, qui part se promener, qui voit des femmes se baigner dans la mare, c'est des femmes oiseaux, et les femmes, les malheureuses, ont laissé leur plumage sur le côté pour pouvoir se baigner. L'homme, qui a peu de scrupules, repère la femme la plus belle, vole ses plumes, et à partir du moment où la femme veut, avec ses compagnes, remonter au ciel, elle cherche partout son habit de plumes, elle ne le trouve pas. L'homme arrive, « Oui, est-ce que tu veux te marier avec moi ?» Elle n'a pas trop le choix, elle répond oui, et elle va rester sa femme pendant une longue période, jusqu'à ce qu'elle retrouve ses plumes et s'envole de nouveau. Et ce mythe est un mythe qui est paléolithique et qui renvoie à un fond qui est très très ancien, probablement lié à la sortie d'Afrique, où on a une femme donatrice, une femme surnaturelle donatrice, qui donne des biens alimentaires ou des biens domestiques. Il est difficile de savoir si les hommes modernes, il y a 300 000 ans, croyaient à une vie après la mort, avant bien sûr leur sortie d'Afrique. Vous avez fait une analyse statistique des mythes afin de montrer quelles étaient les croyances les plus probables de ces premiers Homo sapiens sapiens. Oui, c'est ça. Et là aussi, c'est assez extraordinaire parce que les résultats obtenus rejoignent ce qui avait été obtenu grâce à d'autres méthodes et convergent dans un même sens. Il y a certains récits, par exemple, le fait que la lune est liée à la mort, que les animaux qui changent de peau sont liés à l'immortalité et à la mort. Il y a le récit selon lequel la mort serait arrivée parce que l'homme n'aurait pas entendu un appel. Et tous ces mythes que j'ai pu reconstruire à l'origine de l'humanité, sont des mythes qui ont été étudiés et dont la diffusion semble corroborer les résultats obtenus grâce à la phylogénétique des mythes. Julien Duis, ce que vous publiez est bien sûr une somme. On y retrouve même le mythe d'une cendrillon, une cendrillon mésopotamienne du deuxième millénaire avant notre ère. À lire donc, Julien Duis, votre excellent ouvrage « Cosmogonie, la préhistoire des mythes » publié aux éditions La Découverte. J'en profite d'ailleurs aussi pour citer l'incontournable dictionnaire critique de mythologie chez CNRS Éditions et bien sûr publié par Jean-Loïc Lequelec et Bernard Sergent. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Manon Houssin et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et sur l'application Radio France ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, place aux dernières fouilles entreprises à Gergovie et à l'affrontement entre César et la Gaule indépendante.